Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 113. Nous sommes mardi matin, le 24 janvier 2013. Belle année, premier épisode pour cette année. J'espère que tout le monde va bien. Donc, me voici de retour. Et puis, aujourd'hui, ça va être un épisode de questions du public parce que j'avais pas tant de sujets anyway à parler personnellement. Et puis, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis, j'aime ça répondre à vos questions. Je trouve que ça fait un épisode varié, là, tu sais. Fait que là, tout de suite, je parle vite parce que vous m'avez posé beaucoup de questions, dont certaines m'ont fait faire des recherches et auront un certain déploiement, n'est-ce pas? Alors, ça prendra du temps. Mais avant de commencer, ben c'est ça. Dans le fond, je voulais juste mentionner vite fait qu'on est très busy chez Retro Montréal. Notre directrice est en vacances. On a des nouveaux employés à accueillir. Donc ça voulait dire passer des entrevues. Et puis, bien sûr, le roulement habituel, le rachat, la gestion. Fait que ça paraît quand il y a une personne de moins. Et puis, voilà, donc c'était très prenant tout ça. Dans le fond, je suis revenu de vacances. On a eu une semaine à comme se placer. Après ça, notre directrice est partie. Et puis là, ben, on essaye de tout padder pendant qu'il n'est pas là. Et puis donc, ça veut dire mettre un frein au développement de tout, disons. Fait qu'on s'occupe juste du roulement pour les trois prochaines semaines, dans la prochaine semaine et demie. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, très occupé. Pas beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai pas enregistré de show. Mais je suis vivant et puis c'est ça. Donc on fait ça aujourd'hui. Avant de commencer les questions, deux jeux auxquels je joue présentement. Vous avez peut-être vu ça passer sur ma page Facebook. Super Cyborg, qui est un petit jeu indépendant. Très pareil comme Contra et Super C au NES. Même gameplay, même feel, les armes, tout. C'est vraiment plaisant. Vous avez été quelques personnes à me le recommander. Et puis, c'était pas cher. Peut-être que c'est pas cher encore. Allez voir ça, genre 5$. Et puis, man, j'ai eu du fun avec ça, là, tu sais. Puis, j'aimerais vraiment l'essayer en co-op aussi, éventuellement. Seul désagrément, je trouve, c'est la palette de couleurs qui est vraiment éclatée. Elle va dans tous les sens. C'est un petit peu laid. Mais sinon, là, c'est la musique, là, le sound effect. Là, c'est Contra, c'est merveilleux. C'est vraiment le fun. Je pense que j'ai publié ça sur ma page. Je l'ai fini. Quand je finis un jeu, je le mets pas sur ma page Papa Cassette. Je le mets sur le groupe Finir des cassettes que j'ai créé. Donc, bien sûr, joignez ce groupe si vous aimez finir des jeux. Pas obligé d'être des cassettes. Et puis, l'autre jeu auquel je joue présentement, je l'avais acheté avant Noël. Je me suis dit, je vais jouer à ça un moment donné. Puis là, je voulais un petit jeu pas trop lourd. Ça s'appelle Kero Blaster. C'est fait, ça, par les gens qui ont fait Cave Story. C'est genre leur deuxième jeu. Puis je pense qu'ils ont un historique de deux jeux seulement, cette compagnie-là. Et puis, c'est un petit platformer d'action, là, avec un gun. Des guns à la Cave Story. Justement, t'as une petite grenouille. Là. C'est très pixel, là, le look. C'est des gros pixels, tu sais. Très euro, si je peux dire. Puis ça ressemble à Cave Story. À ce niveau-là, l'humour, la musique, les personnages, c'est, tu le sens, là, tu sais. Fait que c'est super bon, pour vrai. Pour moi, c'est une belle surprise. Je l'ai terminé. Quand tu le finis, tu as accès à un autre mode qui a un nom weird, là, je me rappelle pas. Donc, plus difficile, mais pas trop non plus. Fait que là, je le recommence à ce mode difficile-là, dont l'histoire est différente. Et puis, bon, les boss, c'est les mêmes, ils sont plus durs. Ils ont changé les niveaux un peu, donc très belle rejouabilité. Ça vaut la peine. Kero Blaster, je vais en parler plus. Probablement ma prochaine critique à Retro Nouveau la semaine prochaine. Donc, on passe ça tout de suite parce que le temps, c'est de l'argent. Et puis, oups! Je sors vos questions. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps. donc, j'ai 32 réponses à donner. Et puis, je vais essayer de faire mon possible là-dedans. Donc, on commence avec Sébastien Nollet. Y a-tu des jeux que tu attends avec impatience en 2023? Donc, oui, absolument. Ben, tu sais, en même temps, pas tant que ça. Je vais juste ajuster mon écran ici pour que je me voie la face un peu en même temps que je vous parle. Et puis, je vais placer mes listes. Parce que j'ai fait des listes, hein. Vous m'avez posé des questions qui m'ont fait travailler pas mal. Finalement, matin, il a fallu que je fasse des recherches un peu. fait que voilà. J'ai dressé une mini-liste des jeux attendus pour moi cette année. Vous savez, j'attends pas tant de jeux, moi. Hein? Je fais juste les voir apparaître et les désirer au fur et à mesure. Et puis, quand il y a des Nintendo Direct, ce genre d'affaires-là, j'écoute ça. Sinon, mes amis me poquent quand ils voient qu'il y a quelque chose qui va sortir que je risque d'aimer, tu sais. Fait que voilà, mais sinon... Dans ma tête de même, bien puis ça sort bientôt, Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Donc, remake, pas le remake là, mais le un portage, je pense, de Kirby's Return to Dream Land, le jeu Wii, qui jouait jusqu'à 4. Donc, super le fun, j'avais adoré ce jeu-là. Les deux jeux de Kirby sur Wii sont excellents. Et puis, ils sont parfaits pour jouer avec des enfants. J'ai fait Epic Yarn avec mes très jeunes enfants dans le temps. Et puis, ça donne, la petite musique du début, là, c'est... Ça va toujours me rappeler quand mes enfants avaient genre 5 ans, là, tu sais, c'est tellement doux. Mais puis j'aimerais ça qu'ils le refassent, mais sur Switch, ça va venir peut-être un jour. Ils l'avaient refait sur 3DS. Mais Returns to Dreamland, excellent jeu, jusqu'à 4, et puis ils ont racheté un peu de stock, là, je me rappelle plus, vous avez vu ça dans le Nintendo Direct, je pense que ça sort en février, pour jouer avec mes enfants. On n'a jamais fini celui de Wii. Parce que, tu sais, la Wii est branchée dans le sous-sol, puis moi, mon plus vieux, il joue plus avec moi, mais mon plus jeune qui a 10 ans, oui, on joue ensemble, puis ça va... Puis on a du fun. J'aime ça quand il y a un jeu co-op. Tu sais, je jouerai pas à Super Cyborg avec, là, ça marchera pas, mais Kirby, ça va être parfait. On a fait Forgotten Land ensemble, et puis c'est mon parfait partenaire pour Kirby, fait que j'ai bien hâte. Un jeu que j'avais vu dans un showcase indie Nintendo, c'est Pepper Grinder, donc jeu publié par Devolver. Je sais pas si c'est développé par Devolver, probablement pas. Donc c'est genre d'hommage à Drill Dozer un peu, hein, où est-ce que c'est du platforming mais avec une drill, donc tu creuses dans les places, tu jumps, tu creuses, puis tu te promènes dans la terre, puis dans les masses de terre, là, de terrain, là, qui est un peu partout. Allez voir du gameplay de ça, ça a l'air pas mal intéressant. Un petit jeu là qui m'avait accroché quand j'avais vu le showcase. Sinon, je sais pas si je vais l'avoir cette année, mais je l'ai acheté déjà d'avance chez Strictly Limited. Ouais, me semble. Et puis, on va... Ben, si possible, on va sûrement en avoir chez Retro Montréal. Il s'agit de Cannon Dancer. C'est un jeu qui ressemble beaucoup à Strider, le jeu original arcade Strider, donc pas le jeu NES, bien sûr. Donc, l'original Strider. Et puis, c'est fait ça par des gens de Capcom qui ont travaillé à l'origine sur Strider. Et puis, ils ont fait cette suite-là qui s'appelle aussi Osman, O-S-M-A-N. Donc, ces gens-là ont produit ça, qui était, ils en ont fait une arcade de Osman en 1996. C'est 100% inspiré de Strider, sauf au lieu que ça soit un look kazakh, Russie, que l'épée est une épée slasher, cypher. C'est dans plus un look Arabie, avec l'épée, je sais pas comment on appelle ça, l'épée arrondie, là, le classique de ces lieux-là, comme il y a dans les jeux vidéo. En tout cas, bref, inspiré de cette vibe-là, et puis même jeu, même affaire. Donc, ils ont pris le jeu d'arcade de 1996, puis ils sortent ça sur les consoles. Je ne sais pas si ça va être broken là, ou quoi que ce soit, mais c'est magnifique. Et puis, je pense recevoir ma copie physique cette année. Puis, c'est peut-être même déjà disponible, dans le fond, vu que j'attends après une copie physique. Donc, j'ai hâte d'avoir cette copie physique-là. Ça va être intéressant. J'espère que ça va être bon. Street Fighter VI sort cette année. J'ai joué un tout petit peu. Et puis, j'aime le look des personnages, les mécaniques étaient bonnes, je suis pas du tout un expert de Street Fighter, mais vraiment pas. Et puis, c'est prometteur. Moi, j'aime ça voir comment la communauté va réagir face à un nouveau Street Fighter, tu sais. Je suis pas dans la communauté, j'ai des amis qui sont pas mal dedans, quand même pas pire dedans. Fait que j'ai hâte de voir ça. Et puis, clairement qu'on va jouer à ça au prochain WEG lorsque le jeu sera sorti. Puis ça va être... On va faire péter, mais c'est pas grave. Je continue d'aimer l'univers de Street Fighter. Et puis, c'est très cool. J'ai hâte de voir. Sea of Stars de nos amis Sabotage Studio à Québec. Donc, ceux qui ont fait The Messenger. C'est leur nouveau jeu, ça, qui travaille dessus depuis un méchant bout. Et puis, c'est supposé sortir cette année. Ça ressemble à être un Secret of Mana avec de l'action quand même pas mal. Puis moi qui n'ai pas tant dans ce style de jeu-là, c'est pas dans mes préférences. Je vais me pogner une copie, bien sûr. Puis je vais peut-être jouer, puis on va voir que si ça m'accroche. Si c'est pas too much RPG, et puis que c'est pas un jeu qui prend 50 heures, j'aimerais ça. Mais je vais m'en prendre une copie, puis je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent. Je suis sûr que ça va être un hit. C'est très attendu. Et puis, je jouerai pas, mais j'ai hâte de voir le nouveau Zelda Tears of the Kingdom. Juste encore une fois, comme un peu pour Street Fighter, voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va être populaire? Est-ce que le monde va se garrocher là-dessus? J'ai comme l'impression que ça va être la suite, tu sais, vraiment, puis ça va être pas mal tout pareil, ça va être une suite. Puis là, ben, ça fait un bout que la Switch est sortie. Tu sais, au début, ça arrivait avec la Switch. Hey, nouveau Zelda, la Switch, tout ça, c'est un bon timing. Là, c'est juste comme la même affaire, mais comme une couple d'années plus tard. Fait que j'ai pas l'impression que l'engouement va être fou. Est-ce que cela annonce la prochaine console que sera la Switch 2 ou whatever? Je pense pas. La Switch a encore, encore de l'argent à produire. On n'aura pas de prochaine Switch tout de suite. Mais j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, Sébastien, c'est pas mal tout. Louis-David, la Lancette, Renault me demande. L'Amico Gate, ton opinion sur le sujet? Bon, c'est ça. Pour l'Amico, il y a d'autres questions un peu par rapport à ça dans les questions que vous m'avez posées. Bon, c'est mort et enterré, là, je pense, là, tu sais, l'Amico. Et puis, je vais parler de l'Amico at large un peu, parce qu'il y a aussi Kevin Boily qui me posait la question un peu plus loin. Si j'avais écouté le vidéo du Oof Sound de Roblox, c'est une vidéo ça sur YouTube, allez voir ça. Pour vrai, c'est super intéressant. Je connais pas Roblox, mais il y a un son là-dedans, le Ouh! Et puis, ce son-là, je vais juste en faire un résumé très rapide, très rapide de cette vidéo-là. Ce son-là appartiendrait, d'une certaine façon, à Tommy Tallarico, parce que Tommy Tallarico faisait des sons, avait une compagnie de musique et de sound effects dans les jeux vidéo. Et puis, il a utilisé ce son-là pour un jeu à l'origine. Puis là, c'est pas clair si eux autres, si la compagnie de Tommy, à l'origine, ont inventé le Oof Sound pour un vieux jeu, puis que ce son-là a été utilisé ensuite dans Roblox. Fait que Tommy a eu vent de ça. Puis là, il s'en prend à Roblox pour essayer d'avoir du gros cash, tu sais. Fait que la personne qui a fait cette vidéo-là, comme, explique cette histoire. Et ce faisant, il n'y a pas eu le choix d'un peu de chercher qui est Tommy Tallarico. Puis là, quand tu penses que la vidéo de Roblox a fait le tour, là, il part sur une chaîne de genre qui est Tommy Tallarico, puis qu'est-ce qui se passe et tout ça. Fait que bien sûr, ça couvre l'Amico aussi, puis ça couvre toutes les mardes que Tommy a faites, toutes le deux faces, tu sais, Tommy, le personnage qu'il est. C'est une vidéo, tu sais, qui dure 2 heures, là. Et puis moi, je l'ai écouté. J'ai écouté ça avec. C'était super bon. J'étais vraiment là-dedans. Donc, j'ai écouté ça pendant 2 heures et puis j'ai trouvé ça excellent, tu sais. Fait qu'au final, la vidéo démontre beaucoup que Tommy est une personne, tu sais, au cash. Puis que Tommy. Puis c'est correct d'être au cash en passant. C'est juste que lui, il l'est peut-être. Il a fait de l'argent. Mais il essaye aussi de faire de l'argent avec des façons plus ou moins legit, tu sais, avec l'Amico et tout ça. Puis, ça va couvrir un peu aussi ce que Pat Country disait dans le CEO Podcast. Et puis, on a des questions aussi sur le CEO Podcast. Où est-ce que, dans l'un des derniers épisodes, Pat y expose que Tommy, quand il a ouvert les bureaux d'un télévision, il a engagé une firme pour meubler la place. Puis la firme a dépensé pour des centaines de milliers de dollars pour meubler un bureau qui est à moitié vide parce qu'il n'y a jamais personne dedans pour travailler, tu sais. Et puis, là, lui, il s'est engagé personnellement à rembourser ça. Mais là, la compagnie Intellivision, c'est terminé. Là. Ça a fait faillite. Comme, bien sûr, eux autres, ils disent rien, mais c'est mort. Là. Il n'y aura rien de plus qui va se passer avec ça. Fait que lui, il faut qu'il rembourse ça. Donc, ils ont comme déterré cette histoire-là. Mais c'est juste... Tu sais, whatever ce qui arrive à Tommy, c'est ses affaires, mais c'est juste pour montrer qu'il fait ça à l'envers. T'sais. Pour Tommy, c'est la parure, c'est le look qui est important. Il va tout le temps flasher sa Ferrari, il va tout le temps flasher sa maison. Dans la vidéo de Roblox, il y a eu des émissions où des gens visitaient sa mansion. Puis là-dedans, lui, il y a par terre, il y a des cadres avec des records Guinness, dont il a démontré que la plupart n'ont même pas rapport. Il y a une fontaine dans son salon. C'est tout le temps le paraître, tu sais. C'est d'avoir de l'air big, tu sais. Tommy, lui, c'est ça. C'est hey, avoir de l'air big, tu. Puis souvent, c'est pas vrai. Puis il change des choses, tu sais, comme pour que ça ait de l'air big. Il invente qu'il a travaillé avec Miyamoto. Il invente que le gars de Xbox travaille sur l'Amico, tu sais. Comme, c'est tout du nuage, c'est tout faux, tu sais, ces affaires-là. Fait que lui, c'est ça, il pousse ça énormément. Donc, c'est fascinant, tu sais, c'est fascinant de voir tout ça. Puis, tu sais, quand l'Amico, le projet a été lancé, puis je suis d'accord avec le CEO Podcast là-dedans, à l'origine, Tommy, il voulait... C'est pas un scam, l'Intellivision Amico. Il voulait faire ça, puis il voulait que ça marche, tu sais. Mais il a mal fait ça. Il a mal géré ça. Et puis, c'est parti tout croche. Puis après ça, ben il s'est embourbé dans des affaires d'argent. Puis tout, puis c'est devenu une vraie catastrophe, tu sais. Mais je pense que à l'origine, c'était vrai. Puis c'était noble, tu sais, ce qu'il voulait faire. C'était juste une mauvaise idée, tu sais. Puis il n'y a pas... Puis de payer des centaines de milliers de dollars pour aménager des bureaux d'une start-up, c'est peut-être pas nécessaire, tu sais. Tu vas sur Kijiji ou Craigslist ou whatever aux États-Unis, puis t'achètes du mobilier pas cher. Tu commences petit, puis après une couple d'années, si ça marche, tout ça, ben là, t'upgrade. Check ici chez Retro Montréal, là, tous les meubles qu'on a achetés au QG, là, ça en prenait des bureaux. Il n'y avait rien ici, là, là. Ben, on a acheté... Comme l'Université de Montréal faisait une grosse vente de liquidation, il y avait trop de meubles et de patentes. On a loué un truck, on est allé là, puis on a rempli le truck, là, des chaises à 20$, des meubles à 30$. T'sais. On n'est pas allé acheter du stock neuf chez Bro et Martineau, là, t'sais, le frigo, man, Kijiji. T'sais. On n'a pas d'argent au départ, fait qu'on commencera pas à emprunter pour se meubler avec la Cadillac des meubles. Là, c'est complètement ridicule. Fait que bref. C'est ça. Tommy, lui, il faut que ça soit big. Puis il se voyait big. Lui, il était comme, yeah, on lance une console. Je suis un CEO de compagnie. Je suis big. Puis, c'est juste que la console, c'était pas bon. Il aurait fallu que ça soit autre chose. Il aurait fallu que ça commence petit. Puis, pendant mes podcasts, j'en ai parlé en masse là, de l'Intellivision, ce que j'aurais souhaité que ça soit. Puis, tout le bling niaiseux que ça a été finalement. Puis, que ça avait pas de sens. Il n'y a pas de marché pour ça. Fait que c'est juste parti en couille. Puis pour ce qui est de l'Amico Gate, dans le dernier épisode de Pat Country qui a fait un vidéo, en fait, sur son spécial Noël Amico, il se fait attaquer, bien sûr, depuis un méchant bout par tous les fans de l'Amico, parce qu'il y a du monde qui sont comme à quatre pattes devant Tommy, puis à quatre pattes devant l'Amico, puis tout ça, c'est malade, puis qu'ils voient rien, tu sais, ils veulent pas admettre, ils sont pas capables d'admettre ou de s'ouvrir les yeux sur la catastrophe qu'est l'Amico, puis eux autres, c'est non, arrête de bâcher l'Amico. Alors que le CEO Podcast, il bâche pas comme gratuitement, il questionne, legit, je suis pas sûr que ça va marcher, ces affaires-là, tu sais, c'est pas sûr qu'il y a un marché pour ça. Puis là, eux autres, c'est comme, oh, si tu arrêtes de nous caler, tabarnak, blablabla. T'es un hater. Tu sais, comme tu peux pas exprimer une opinion parce que ces gens-là sont pas capables de recevoir une opinion qui diverge de la leur. Fait que tous ces petits YouTubers-là, podcasteurs-là, s'en prennent aussi au podcast, puis s'en prennent. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, moi, j'ai pas suivi ces gens-là, j'en ai aucune idée. Mais sur le dernier épisode vidéo de Pat Country, on en voit plusieurs, il en présente plusieurs dans son spécial Amico. Et puis, c'est ça, là, tu sais. C'est drôle de voir ces réactions-là. Ben, c'est toutes des vidéos qui datent. Et puis aujourd'hui, où en est l'Amico? Non existant. Le monde s'en fait flouer. Moi, j'ai été chanceux de canceller ma précommande tôt. Ils m'ont remboursé, genre dans la journée. Ça a vraiment pas traîné. J'ai dit, hey, j'aimerais annuler ma précommande. Vous avez dit que vous remboursez toutes les précommandes. Paf! Ils m'ont renvoyé mon argent en PayPal. Et puis voilà. J'avoue que sur le coup, ça m'a fait. J'aurais peut-être dit à garder pareil, tu sais. Mais en même temps, mon réflexe en ce temps-là, c'était pas. L'intellivision, ça n'existera pas. L'Amico n'existera pas, tu sais. Dans ma tête, c'était. Ça va exister, mais Colin, c'est beaucoup d'argent pour une merde que j'utiliserai pas, puis ça va prendre de la place, tu sais. Je l'avais précommandé plus pour le LOL, que pour vous faire rire quasiment. Puis là, je dis, ah, fuck off, je veux pas de ça. Les temps sont durs. Et puis finalement, je suis comme, ouh, j'aurais jamais rien eu de toute façon. Il y a de quoi que je regrette peut-être, par contre, j'aurais peut-être dû acheter les jeux physiques. En fait, les objets physiques, parce qu'ils ont produit des boîtes avec des cartons dedans en forme de cassette à télévision qui a des codes de jeux qui allaient être téléchargeables dans la console, tu sais. Et puis, bien sûr, il n'y aura jamais de console, fait que ces affaires-là, ils serviront jamais à rien. Mais je pense que ça peut prendre de la valeur, cette espèce d'affaire, ces espèces d'affaires-là, ces packages de jeux-là. Puis il y a un coin dedans, dans chacun, tu sais. Fait que, puis le design est quand même cool, là. Ils ont fait un cover, les illustrations comme throwback à ce que c'était dans le temps, tu sais. Puis le look blanc et turquoise de l'Amico, tu sais. Il y a de quoi avec ça. Je pense que ça, j'aurais dû l'acheter, tu sais. Ça, c'est définitivement collectionnable, tu sais. J'aurais gardé ça dans mes affaires. Je les aurais jamais ouverts. Mais en tout cas. Fait que bref, tu sais, pour. Je garoche partout avec ça, mais c'était une grande saga que celle de l'Amico. Tu sais, puis je me rappelle quand la télévision a annoncé ça, avant qu'on voit la première console, avant qu'on voit quoi que ce soit. Tu sais, la télévision va faire une nouvelle console. Moi, j'étais hype, là. J'étais comme. Puis jamais, tu sais, moi, la télévision, ça m'intéresse depuis bien avant ça, depuis que mes parents en avaient à la maison. J'aurais jamais cru que cette vieille console-là, que si peu de gens connaissent, tu sais, comme soit ramenée dans la face de tout le monde avec une histoire abracadabrante comme ça, c'est absolument incroyable. C'est fascinant. Et puis, j'ai eu bien du plaisir à suivre tout ça. Je suis juste déçu que la console n'existe pas au final, puis que bien sûr, du monde se sont fait avoir là-dedans. Mais coudonc. Puis, tu sais, comme tous ceux qui sont pas capables d'avoir une opinion, tu sais, il faut que tu vois les faits, là. Les faits sont là, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais, ouvre-toi les yeux, là. Fait que, voilà. Donc, David, alors, Lacaille, que penses-tu des arcades One-Up? Trouves-tu que c'est un bon compromis versus l'original ou que c'est de la cochonnerie? C'est une question que j'ai déjà vue passer. Et puis, moi, personnellement, je suis pas vraiment fan de ces arcades-là parce que je les trouve petites et puis cheap et puis tout ça. Mais, tu sais, mettons, j'ai vu un café à Montréal où est-ce qu'il y en avait une. On loue des chalets avec des amis, il y en a une au sous-sol. Il y avait Omega Mix, il y en avait 3-4. Il y a des amis qui en ont 4-5 chez eux. T'sais, c'est pas cher. T'sais, je veux dire, c'est 100% accessible. Au Costco, ils sont là. T'sais. Les arcades originales, ça coûte fucking cher. C'est brisé, ça demande de l'entretien. Il faut que tu connaisses ça. Ou sinon, tu payes quelqu'un qui connaisse ça. Puis il faut que tu trouves quelqu'un qui connaisse ça à payer pour réparer ça. C'est un esti chiant. Mais bon, moi, j'aime pas vraiment ces machines-là. Là. Je pourrais jamais mettre ça dans le bar, ils se feront défoncer. Quoi qu'on en a une présentement, une genre de tabletop Atari Pong, là, Warlord, et puis tous les jeux cool d'Atari avec qui se jouent avec des barres que tu déplaces. Fait que, puis elle est très populaire, c'est Ellie qui a amené ça. Lui, il y en a chez eux, des One-Up, il y en a plein. Fait que définitivement, je veux dire, c'est un très bon compromis. Puis, tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. Moi, j'en ai une arcade chez nous de Kix que j'adore, tu sais, je l'aime. Mais je joue très peu, là. Je joue une fois par mois avec, là, même pas, tu sais. Je joue 10 fois par année. Les amis de mes enfants jouent pas à ça. Personne joue à ça, tu sais. On va se le dire, c'est un bibelot de luxe, tu sais. Mais moi, je suis à l'aise avec ça, tu sais. Je trouve ça nice et puis... même que je suis prêt à laisser aller des bouts de ma collection pour plus d'arcades auxquelles je ne jouerai pas, mais juste parce que je trouve ça beau, tu sais. Ça me plaît. Mais si tu regardes le coût d'une arcade originale versus ce que tu joues vraiment, les One-Up, définitivement, ça vaut la peine. Parce que vous allez acheter les One-Up, c'est comme « Yeah, on va jouer à Pac-Man tout le temps en famille, sans être malade. » Tu joues pendant une semaine, puis après, tu joues plus. C'est ça qui arrive, je suis sûr. Tous ceux qui m'écoutent à la maison, je suis persuadé que si vous avez des one-up, vous jouez pratiquement jamais, à moins que vous les ayez changés pour mettre un multijeu puis explorer là-dedans, chose que vous pouvez faire, bien sûr. Mais, tu sais, c'est ça, là. Tu peux avoir un arcade chez vous, mais tu vas pas jouer tant que ça, t'sais. Ça dépend du jeu, mais voilà. Alors, moi, ça m'intéresse pas, je trouve ça cheap, mais je suis content que ça existe. Ça rend les arcades populaires, et puis moi, j'ai une arcade dans laquelle je veux remplir de gens qui viennent. Fait que, moi, là, populariser les arcades, je trouve ça beau, et puis c'est un bon moyen. Et puis, ça garde le rétro gaming sans map. Donc, je veux dire, il n'y a absolument rien de négatif par rapport à ça. Là. C'est un bon compromis, mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Patrick Doyon, par quel podcast vas-tu remplacer le CEO podcast? Et puis, en parenthèse, qu'est-ce que tu appréciais dans le podcast de Pat Country? Donc, c'est ça. Le CEO podcast, c'est le podcast de Pat Country, Ian Ferguson. Il roulait ça depuis 10 ans, mais moi, j'écoutais pas ça depuis 10 ans. T'sais. J'écoute ça plus sérieusement depuis peut-être 2 ans. Et puis, oui, c'est un des podcasts que j'écoutais pas mal toutes les fois que ça sortait. J'ai moins de temps. J'ai pas de temps pour écouter des podcasts vraiment parce que je fais ça dans le poste. T'sais. Puis, ma ride de bus n'est pas si longue que ça. Puis, je prends pas le métro. Sinon, j'écoute ça quand je suis tout seul dans le char. Je suis rarement tout seul dans le char. Genre quand je vais jouer au hockey le soir. Ou quand je fais des commissions, whatever. Mais des fois, mettons, en pelletant, j'écoute... tu sais, je fais des tâches plates à la maison, ben, j'écoute ça. Fait que j'écoute pas tant de podcasts, pour vrai. Mais celui-là, je l'écoutais, oui. Moi, ce que j'aimais bien, c'est les nouvelles. Je trouve qu'il faisait bien les nouvelles. Les nouvelles de type jeux vidéo rétro, hein, un peu aussi. Donc, pas juste... Comme ils vont pas te parler nécessairement du nouveau gros jeu qui vont sortir, mais ils vont parler de telle polémique, de ci, de ça. Donc, je trouvais qu'ils faisaient un très bon travail de recherche pour les nouvelles. Et puis, s'il y avait un podcast québécois qui faisait ça, ça serait excellent. J'ai pas la force de faire autant de recherches pour vrai. Quoique dans leur podcast, ils sont assis devant des ordis. Fait que des fois, j'ai comme l'impression qu'ils font juste noter 2-3 affaires puis qu'ils sortent au fur et à mesure. Mais je suis pas bien bon là pour suivre les nouvelles, là, vous savez bien. Donc, c'est pour ça qu'eux le faisaient bien. Puis ça, j'aimais ça. Puis leurs opinions sont très valides. Là. Je suis pas mal à 90% tout le temps d'accord avec eux. Par contre, ce que j'aimais moins avec le temps, c'est qu'ils se sont... Ils devenaient de plus en plus amers, tu sais. Puis leur épisode des meilleurs moments, là, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est un épisode qui fait juste ramener des points, des affaires négatives, tu sais, qui ont vécu, ou des affaires poches, ben des affaires pour blaster, tu sais, des gens qui avaient pas raison au final, là, tu sais, mais pis c'est correct, on a le droit de le faire, mais moi aussi, je chiale là, contre le monde qui me font du trouble. Mais cela dit, que faire ça, ça devient, tu sais, comme lourd, négatif. Puis cet épisode-là, il m'a comme... tu sais, il y a déjà assez de lourdeur dans la vie, là, sur les médias sociaux. Tu sais, on n'a pas besoin de se faire des épisodes en plus là-dessus, là, tu sais, moi, ça me plaît pas, ça, et puis, oui, des fois, tu veux un peu de piquant, tu sais, puis c'est bien correct, et puis, mais, comme, que ça, tu sais, ça devenait vraiment que ça, au final, tout le temps, puis je trouve qu'il était pas à jour non plus, ça, beaucoup, beaucoup de chialage sur le grading, puis, toutes les NFTs, puis tout ça, tu sais, ouais, on s'en calisse, là, des NFTs, là, ça m'intéresse pas, puis je suis d'accord, c'est de la merde, mais de là à en parler à tous les épisodes, là, fuck off, là, tu sais. Et puis le marché, écoute des épisodes complets pour voir le prix des jeux gradés qui montent ou qui descend pour montrer à quel point ça descend, tu sais. C'est comme, puis je suis d'accord avec tout ça, là, tu sais, mais ça va, là. On a fait le tour. Il n'y a plus ben de jeux vidéo là-dedans, là, tu sais. Puis quand ils font des épisodes sur les jeux, la valeur des jeux, tout ça, ou même sur les business, les boutiques de jeux vidéo, tu sais, qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans, tout descend, tout coûte cher, tout pète, comme, ça, je suis pas d'accord avec ça. J'en ai un magasin de jeux vidéo, ça coûte cher, les jeux sont de plus en plus chers, mais en contrepartie, nos collections valent de plus en plus cher aussi. Définitivement que les gros jeux fly pas aussi vite là, qu'avant, et les jeux à plusieurs centaines, ça reste ces tablettes, les jeux en boîte, ça vend super mal présentement. Bon, les gens sont cassés, les gens font attention, tout est plus cher, mais ça fonctionne quand même, là. Puis moi, j'ai pas visité Luna, où est-ce que Yann travaillait. J'ai regardé des images vite fait sur, sur Facebook, tu sais. Pas le gros magasin, là, ça, là, tu sais, je veux dire, on peut pas baser tout sur l'expérience de Yann chez Luna, à mon avis, là, qui est une place qui a même pas de l'air de faire du shipping, là, tu sais. Fait que, mais oui, je veux dire, pour les prix, tout ça, il y a raison, mais il y a des affaires que, tu sais, leur réalité est bien différente de la nôtre et de celle des autres boutiques au Québec, j'en suis convaincu, là, tu sais. Fait que j'appréciais les nouvelles, mais il y a bien des affaires que j'étais pas d'accord, puis l'amertume, j'étais un peu tanné aussi. Fait que, coudon. J'aurais aimé ça que ça continue, je veux dire, je l'aurais écouté encore, ou quand ça me tente pas, ça me tente pas. Mais je vais le remplacer par quoi? J'ai un autre podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Collector's Quest. C'est des gens qui parlent que de collection. Et puis, ils ont des épisodes très agréables. Mettons, je vais vous le dire, je vais vous nommer une couple de titres d'épisodes. Vous allez voir. Oups, je l'ai ici. Collector's Quest. Leur dernier épisode, collectionner les mail order exclusives. C'est très anal, hein? Qu'est-ce qui était cool à collectionner dans le milieu des années 2000? Qu'est-ce qui est arrivé et puis qu'est-ce qu'on a collectionné en 2022? Un épisode spécial sur le collectionnage de Wii, parce qu'il y a un des membres qui a un full set de Wii. 10 jeux SNES avec lesquels on a starté nos collections. Le collectionnage de jeux vidéo est dead. Et puis, des films, les jeux vidéo d'horreur des années 70-90. L'historique des prix, c'est de la merde. Collectionner les jeux de des genres qui sont morts. 6 jeux de dinosaures rares. Fait que vous voyez, l'histoire de nos buts en collection. On fait des listes de jeux moins pas si mauvais. 10 jeux NES avec lesquels vous devriez starter votre collection. Puis c'est ça, j'aime beaucoup leur épisode « So you want to collect for » Fait que là, « So you want to collect for the Wii »,« So you want to collect for GameCube », tu sais, fait que c'est un épisode complet sur collectionner une console, les jeux d'une console précisément. L'épisode Wii était très bon. Donc, c'est ça, c'est que de la collection. Puis les gars, ils connaissent leur affaire, là, tu sais, comme s'il faut qu'ils nomment les inserts qu'il y a dans tel jeu, ils vont le faire, collectionne ci, ça, c'est très bon. Puis moi, à l'origine, je veux dire, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, collectionner des jeux quand toute cette vie-là est partie. Mes entreprises, tout ce que je fais est parti du fait que j'aime collectionner les jeux vidéo. Ben sinon, si c'était juste jouer, comme j'aurais gamé puis j'aurais continué mon métier, tu sais. Mais de les collectionner m'a amené à en faire la vente, à vouloir grossir ma collection, à essayer d'attirer le monde vers ça. T'sais, moi, j'aime ça collectionner les jeux. T'sais. C'est ça à la base. Là. Donc, d'avoir un podcast qui parle que de ça, je trouve ça admirable. Puis, ils le font super bien. Puis, encore une fois, j'aimerais ça qu'il y ait un podcast québécois qui le fasse. Peut-être que je devrais le lancer moi-même. Peut-être que je devrais avoir des épisodes de Papa Cassette qui sont que sur la collection avec des invités ou quelqu'un là-dedans. Je pense pas être capable d'avoir le même level que ces gars-là, là, tu sais, mais juste qu'on parle que de la collection pendant un épisode, tu sais. Moi, je trouve ça très intéressant. Fait que ça va être probablement ça qui va prendre la place. Jim Gendron, ton immeuble de rêve avec un budget limité, ça serait quoi? Tu pourrais même y habiter tellement ça serait grand. Bien sûr, ça serait un beau grand immeuble, monument, le temple des jeux vidéo, dans lequel j'aurais mes deux commerces, grosse arcade, bar, microbrasserie. Et puis, boutique de jeux vidéo. Et puis, belle grosse terrasse en arrière avec des arcades dehors, un toit. Le Saint-Sulpice est à vendre à Montréal. Ça, c'est coin Saint-Denis et puis Maisonneuve. Et puis, ceux qui sont à Montréal, vous savez c'est quoi? C'est un bar, un gros bar vraiment qui a été très populaire avec une immense terrasse en arrière, en plein cœur du quartier latin à côté du Théâtre Saint-Denis. Un emplacement de rêve. Moi, j'ai passé plein de temps là, la terrasse en arrière de ça était pleine, des centaines de personnes. Puis, si j'avais un budget limité, donc j'aurais besoin d'environ 15 millions pour acheter la place, et puis j'aurais sûrement besoin d'une couple d'autres millions pour rénover la place, et puis une couple d'autres millions pour aménager la place. Fait que... Si j'avais un budget de 30 millions, j'achèterais le Saint-Sulpice. Et puis, je pense pas que je vivrais là, par contre. Mais j'aurais un petit pied à terre là, dans un condo dans les alentours et puis un chalet à l'extérieur pour quitter le bruit de temps en temps. Mais ça serait ça. Il y aurait de la bière de micro, arcade, gaming, et puis section sans alcool, boutique de jeux vidéo, tout. Et puis ça serait ça, mon rêve. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est ce que j'ai tenté de faire l'année passée, voir s'il n'y avait pas moyen de mettre l'arcade et puis Retro Montréal ensemble dans la même place. Mais ça peut pas fonctionner, du moins pour l'instant. Je vois pas comment c'est possible. Et puis, moi, je suis seul actionnaire des deux endroits en passant. Il y en a des fois qui se demandent ou qui me posent la question, c'est-tu tout le monde qui a tout? C'est juste moi qui est aux deux places, tu sais. Mais c'est ça, chacune des entreprises a une réalité différente, fait que ça peut pas marcher. Mais ça serait mon rêve. Jonathan Brochu. Tes futurs projets pour 2023? Te partir un nouveau full set? Platiner les sacs de Doritos dans ton estomac? Autre. On rigole souvent avec les Doritos à Rétro Nouveau, mais pour vrai, le lendemain, là, ça fesse, hein? Ça fesse les Doritos dans le bedon, là. C'est je devrais même moins en manger. C'est vraiment chimique. Mais moi, quand il y a du manger, je le mange. Je mange le manger. Alors, j'ai de la misère à me retenir. Fait que c'est pas bon. Donc, j'aurais pas comme objectif de platiner des sacs de Doritos. Mais pour mes futurs projets, comme je disais, je veux finir le full set de Super NES cette année. Et puis, ça sera, comme je disais, mon dernier gros projet de collection. Après ça, je vais laisser ça aller. Je vais continuer de me pogner les jeux Switch qui m'intéressent et de me pogner les boîtes qui m'intéressent pour le NES et Super NES. Quand ils passent, je ne vais pas courir après. Pour le Game Boy aussi, il faut que je me pogne un Jetson boîte et livret. Et puis j'aimerais avoir aussi Ninja Gaiden Shadow au Game Boy boîte et livret. Mais Jetson, j'y tiens parce que je veux closer les complets en boîte des jeux Game Boy que j'avais quand j'étais jeune. Puis c'est un bon jeu, alors je le veux. Si c'était de la merde, je m'en foutrais. Comme mes jeux d'enfance au Super NES, Mortal Kombat, je m'en crisse, là, je veux pas ça en boîte. Mais au Game Boy, j'avais que des bons jeux, puis je veux ça. Et puis, voilà. Donc, c'est pas des grands objectifs, c'est des choses qui me manquent, tu sais. Et puis, peut-être que je vais laisser aller plus d'affaires encore. J'avais commencé à ramasser le Game Gear Loose, le Lynx aussi, pour jouer sur ma Pocket. Et puis, avec toutes les cores qui sortent de la Pocket, je pense que je vais juste revendre tout ça. Et puis, je vais me concentrer. Je vais pas accumuler en cartouche autre chose que le Game Boy Color et le Game Boy original. J'ai le full set de Game Boy original. J'aime acheter des jeux loose de Game Boy Color qui sont bons. Je trouve que ça booste ma librairie, puis j'ai du plaisir à mettre la cassette, à faire le petit jeu, puis c'est terminé. Puis il y en a des très bons, il y en a peut-être que je voudrais en boîte éventuellement, si je trouve les boîtes, mais je vais pas courir après. Mais je pense que je vais débarrasser tout le reste, là. Une couple de jeux de Game Boy Advance en boîte que je me fous, et puis débarrasser tout le Game Gear, tout ça, parce que je vais jouer sur le core de ma Pocket, et ça sera bien suffisant. Fait que, donc, moins acheter, ça va être un de mes objectifs. Peaufiner et puis voir ça. Julien Saint-Pierre, où dans le monde est Carmen Sandiego? Probablement à Thetford. Marc-Olivier Berthelet, salut Monsieur Cassette. Selon toi, j'imagine, ton meilleur jeu Game Boy Color dans ta collection? C'est une bonne question. J'essaie de me souvenir par cœur des jeux que j'ai. Excusez-moi. Metal Gear Solid, je veux dire, c'est vraiment... Je pense que ça serait le plus complet et le plus avancé jeu de Game Boy Color. J'ai Shantae aussi, le premier Shantae. Ça vaut très cher, mais... Cringe, là, j'arrive pas à embarquer, là. Là, je vais le refaire sur Switch à un moment donné. Là, je l'ai jamais fait. C'est le seul Shantae que j'ai pas fini. Puis j'ai bien honte de ça. Mais je veux dire, c'est très bon, là. Mais, j'embarque pas, là. Fait que j'irai avec Metal Gear Solid. Très, très solide jeu, bien sûr. Puis, pognez-vous les deux jeux de Sabrina et puis Wendy, hein? C'est tout du Way Forward et puis c'est tout très bon, là. Puis c'est pas... Ben, Wendy, c'est rendu que ça coûte cher, mais les Sabrina sont vraiment pas chers encore. C'est tous des jeux que j'ai beaucoup aimés, ça. Simon Pagé. J'aimerais avoir ton avis sur Hong Kong Massacre. J'ai beaucoup aimé les Hotline Miami et où se procurer la version physique. Donc, j'ai publié ça sur ma page Facebook dernièrement dans les nouveaux jeux Switch que j'ai acquis. J'ai acheté une version chinoise, je pense, d'un jeu Switch qui s'appelle Hong Kong Massacre parce que je savais pas ce que c'était. Je fouillais les listes de nos fournisseurs, j'ai vu qu'il y avait une copie de ça. Le titre, ça avait l'air de brasser. Fait que j'étais allé voir du gameplay et je me suis rendu compte que c'est vraiment comme un Hotline Miami, mais avec du graphisme contemporain et non 8 bits, 16 bits comme Hotline Miami. Et puis, j'ai décidé de commander la copie pour moi de chez nos fournisseurs. Parce que moi, tout comme Simon, j'adore Hotline Miami. Christ que j'aimais ça, puis j'aime encore ça, puis ça m'a fait découvrir la musique synthwave, puis tout ça, puis des artistes que j'écoute aujourd'hui, Carpenter, Brute, Das Mortal, ici à Montréal, et puis tout. Donc, moi j'ai capoté ma raid là-dessus. J'ai commencé, j'ai fait 4 missions à peu près à Hong Kong Massacre. C'est comme Hotline Miami, bien sûr. Mais fucking dur. J'ai commencé à Medium. Facile, Medium Hard. J'ai commencé à Medium. J'aime commencer à Medium. Puis, la minute que tu ouvres une porte, tu te fais gonner. Là. Le monde, ils sont vite sa gâchette. Là. C'est très, très, très intense. Fait que je l'ai mis à Easy, même si j'aimais pas ça. Puis, j'ai augmenté le lock-in du visage de visée. J'ai augmenté la précision de la visée pour que ça colle sur les ennemis plus. Fait que je l'ai mis dans le tapis. Ainsi, faut pas que tu sois parfait là, avec ton analogue pour viser l'ennemi. T'sais, c'est comme ça se colle dessus plus facilement. Puis je l'ai mis à easy. Puis je me fais buter encore comme un malade. Donc pour vrai, c'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Je trouve qu'il y a des petites choses aussi. On a de la misère à voir. C'est une vue de dessus. On a de la misère à voir qu'est-ce qui est une porte, qu'est-ce qui est une fenêtre. Donc, des fois, tu passes devant un mur, bam, tu te fais gonner. Ah, Colin, c'est une fenêtre. T'sais, mais c'est pas assez évident parce que le graphisme essaye trop d'être réel. Puis, il y a des ennemis qu'on voit pas venir pantoute. Il y a des petites flèches à terre, là, mais c'est pas parfait. Là, fait que, comme, à moins de connaître le niveau, tu finis par connaître le niveau. Mais Hotline Miami, il y a beaucoup de portes, puis de corridors, puis de murs. Fait que, tu peux toujours te cacher un peu, mais là-dedans, pas tant. Il y a des aires ouvertes, puis tu te fais gonner. Donc, tu sais, c'est bon, il y a du plaisir. Je suis pas prêt à condamner ce jeu-là tout de suite. Faut que j'y joue un peu plus. J'ai peut-être pas joué à un moment aussi où est-ce que j'étais très, des fois le soir, l'après-midi, c'était pas à ton meilleur. Je vais m'y remettre, mais... Puis je sais pas où le commander. Je l'ai pris chez notre fournisseur, mais à part ça, où est-ce que ce jeu-là se trouve, je sais pas. Il y a peut-être une version PAL, je pense pas qu'il y ait de version nord-américaine. Je suis pas prêt à recommander ce jeu-là pour l'instant, là. Surtout s'il faut que tu trouves une copie puis ça coûte 100$, là. Mais écoute, c'est, pour l'instant, j'en suis là. T'sais. Fait que, à suivre. Michael Sear, est-ce que tu pourrais nous faire un update sur ta collection SNES en chiffres? Et à quoi tu joues en ce moment? À quel jeu tu as hâte de sortir? Donc, j'ai déjà répondu à ces deux autres questions-là. Je vais juste répondre à une personne ici très vite parce qu'on a un rendez-vous à 13h et puis il faut pas que je le rate. Ah! Excusez, c'est pas de la bonne TV. Hein? OK, donc ma collection Super NES, il faut que je sorte ça dans mon téléphone. J'utilise les applications de Pure Gaming, en passant, applications qui sont payantes. C'est une application pour laquelle tu payes pour chaque console que tu vas avoir la librairie de, ou tu peux payer un plus gros montant puis avoir toutes les librairies de toutes les consoles. C'est pas parfait, je trouve. Les prix sont corrects là-dedans. C'est un peu différent de Price Charting. Je dis pas que Price Charting est parfait non plus, mais c'est une bonne moyenne. C'est quand un jeu est cher là-dedans, c'est qu'il est cher pour vrai. Moi, ce que j'aime de cette application-là, c'est juste comme la rapidité de gestion, tu sais, fait que ça va vite. Mais au final, quand j'aurai fini de collectionner de mes full sets et tout ça, tu sais, je vais mettre ça propre dans des Google Sheets et puis avec toutes les informations et tout ça. Mais pour travailler sur mes collections, je trouve que c'est une application pratique. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que ça soit payant, mais moi, ce que je trouve, c'est que quand c'est payant, au moins, il y a du suivi. Il y a des mises à jour et puis c'est entretenu. C'est plaisant pour ça. Donc, j'en suis à 81,97% du full set Super NES. Donc, je possède 591 jeux sur 721, selon mon application. Hein. J'ai pas pris le temps encore de chercher précisément combien il y a de jeux, est-ce que ça inclut les Player's Choice ou non, whatever. Tu sais, quand il va m'en rester 4-5, je vais vraiment comme faire une recherche approfondie, voir s'il n'y en a pas un qui a glissé, puis lesquels doivent faire partie du set. Mais c'est ça. Donc, il y aura du travail à faire, mais là, il m'en manque trop encore. Tu sais, je vais vraiment attendre d'être rendu proche de la fin. Sinon, ma collection Super NES vaut 51 000 $ d'après mon application. Tu vois? Fait que ça, c'est juste Super NES, là. Puis, bon, hein, j'ai pas payé ça 50 000 $, hein. Comme je rappelle, je collectionne plus intensément depuis 2010 environ. Fait qu'il y a des jeux là-dedans que j'ai payé 30 $ puis qui en valent à cette heure 300, là. C'est sûr, là, tu sais. Fait que c'est dans le temps, ça, là. Ça monte tout seul, tu sais. Fait que, à tous ceux qui disent qu'une collection de jeux vidéo est pas un investissement, ben, c'est pas un investissement au sens, si tu veux faire de l'argent, garoche-toi pas là-dedans si tu connais pas ça. Mais si ça donne que t'es là-dedans depuis longtemps, puis que ça te rend heureux, puis que c'est pas de l'argent ça que tu prends, que ta famille souffre de genre, t'achètes des jeux pis t'es pas capable de nourrir ta famille ou t'acheter une maison, tu sais, tu comprends? Il y a les priorités, puis il y a la collection de jeux. Fait que, je veux dire, ma famille a manqué de rien. On est heureux, et puis ça m'handicape pas. Mais quand on voit des chiffres de même aussi, ça fait réfléchir, tu sais. Ça prend de la place, et puis moi, je pourrais vendre ça, tu sais. Puis je pourrais vendre ma collection au complet, puis racheter un autre immeuble locatif, et puis faire de l'argent avec ça, ben plus, puis tout. Mais, je veux dire, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui vendent leur collection, que c'est ça leur projet, là, tu sais. Ils veulent se bâtir un garage, ils veulent éclairer des affaires, ils veulent faire ci, ça. Fait que je comprends ça. Puis moi-même, tu sais, ce n'est pas des questions que je me posais avant, c'est des questions que je me pose maintenant. Ça fait réfléchir, tu sais, avoir autant d'argent qui dort dans la maison, qu'est-ce que ça donne, tu sais. Il y a de quoi à faire avec ça, là. Mais d'un autre côté, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je suis déjà bien occupé avec mes affaires. Et puis, est-ce que je serais capable, en plus, de me prendre une charge supplémentaire de gestion, de, tu sais, vous comprenez? Fait qu'en tout cas, j'ai du plaisir à collectionner encore. Si j'en avais plus, je vendrais tout ça. Mais j'en ai. Puis, je veux juste, comme, continuer, puis mettre ça propre. Puis, on verra qu'est-ce qui va arriver avec ma collection. Qu'est-ce que je vais en faire. Ou je pense pas léguer ça à mes enfants, ils sont en sac, là, tu sais. Je vais pas leur laisser ça dans les pattes. Mais ça fait réfléchir quand même. Ça fait quand même réfléchir. Et puis, pour continuer, les jeux qu'il me manque. Celui en haut de la liste, c'est Exertainment Mountain Bike Rally et Speed Racer. Les deux jeux ensemble, sur la même cartouche. Ça, c'est un jeu qui vaut environ 2000 $. Mais je pense qu'il venait avec un vélo, puis des affaires de vélo. Puis là, c'est pas clair pour les gens qui collectionnent le Super NES. Est-ce que ce jeu-là fait partie ou non du set? Est-ce que ça me le prend? J'imagine, c'est comme Stadium Event. Ceux qui l'ont pas disent ça fait pas partie du set. Ceux qui l'ont, ils disent ça fait partie du set. Cela dit, si jamais ça me passe dans la face, je pense que je le prendrai. Tout ce qui est Donkey Kong Country, Star Fox Weekend, tout ça, ces cartouches de compétition, ça, ça fait pas partie pour moi du set. C'est sûr, parce que c'était pas retail, c'était pas vendu. Excusez, j'ai une notification, ça m'a fucké. Ça fait pas partie de ce qui était vendu sur les tablettes. Voilà. Voyons, excusez, là, j'ai une notification. Donc, pour ce jeu-là, je le sais pas. Sinon, ensuite, le gros jeu qui me manque, Syndicate, RD Lightfoot, International Superstar Soccer. Ça va être super dur à trouver en bon état. Ça vaut 150 $ d'après l'application. D'après moi, ça en vaut plus 200-250 $. Mais trouver ça en bon état, ça va être super dur. C'est lui qui me fait le plus peur. Sinon, pour le reste, après ça, Ultima 7, Magic Boy, Aero the Acrobat 2. Puis après, c'est tous des jeux en bas de 80 $. Puis ça drop très vite à 20 $. Et puis un paquet de marde, pas possible. Donc, vous voyez, à part ce jeu de soccer-là, je pense que c'est pas loin. Puis un coup que j'aurai fini ces grosses affaires, ces gros jeux-là, je vais faire un appel à tous. Les boutiques, les gens que je connais, avez-vous de la merde? J'achète toute votre merde en bon état. Puis ça va se closer de même. David J. Mercier. Conseils de jeux Super NES beaux, bons, pas chers et que les gens connaissent moins. Ou découvertes surprises qui valent la peine d'être jouées. Donc, j'ai dû faire des recherches. Habituellement, je lis pas vos questions. Je les ai lues ce matin en déjeunant. Puis là, je suis comme, OK, il y a trop de monde qui me demande des tops puis des listes. Puis je serais jamais capable de sortir ça live de même. Parce que c'est les questions les plus tough à répondre, ça, bien sûr. Et puis, j'ai fait des listes. Je vais dropper vite, parce que j'ai beaucoup de jeux à nommer. Arkanoid, Do It Again. Donc, c'est du Arkanoid à son meilleur et se joue en co-op sur Super NES. En passant, tous les jeux que je vais nommer là au Super NES, c'est des jeux de moins de 50$. Fait que ça vaut la peine. Donc, excellent jeu co-op, Brick Breaker, Arkanoid, classique. Très bien refait pour le Super NES. Vraiment bon. Goof Troop est probablement le meilleur jeu co-op de la Super NES. Où est-ce que Goofy et puis son jeune travaille en équipe pour pousser des blocs et puis faire des puzzles avec très légère action. C'est super beau, super bon la musique. Je recommanderai jamais assez ce jeu-là. Ça vaut la peine. Phalanx, qui est un shmup. C'est le fameux shmup avec le bonhomme, le vieux monsieur qui joue du banjo, sa pochette là. Pochette très controversée, que j'aime bien. Mais le jeu, il est bon. La musique est bonne. Et puis, c'est vraiment pas de la marde. On penserait que c'est de la marde, mais ça en est pas. J'ai rejoué dernièrement. J'avais jamais donné sa chance à ce jeu-là. Et puis, il y a des shmups sur Super NES, puis ils sont vraiment pas tous bons. Ça, c'est pas à capoter, là. Mais pour vrai, pas pire pantoute. Vous devriez l'essayer. Il y a une version aussi sur Game Boy Advance. Je sais pas si c'est dur pour... ActRaiser 2. Donc, on connaît tous ActRaiser 1, puis je sais qu'on est triste que l'ActRaiser 2, il n'y ait pas le God Mode dedans, le Sim Mode, là. J'étais le premier déçu de ça lorsque j'ai acquis ActRaiser 2 à l'adolescence. J'avais commandé ça, puis finalement, c'est que action, que du action platforming. Très difficile, mais un coup que tu es habitué, ça joue bien. Et puis, visuellement, c'est un des plus beau jeu de la console, je trouve. La musique est incroyable. C'est un jeu magnifique. Très décevant qu'il n'y ait pas le God Mode, je le répète, mais quand tu prends le temps de jouer puis de t'y habituer, ça devient un excellent jeu. Puis c'est vraiment... C'est très beau, c'est très bon. Et puis, je l'aime beaucoup plus aujourd'hui même que dans le temps où est-ce que j'étais déçu, tu sais. Fait que voilà. Alien 3, un jeu que j'avais aussi à l'origine. Excellent soundtrack, platforming, action, gun, tuer des aliens. Au look, c'est Acclaim, hein? Fait que c'est au look Batman Forever, Mortal Kombat. Mais ça marche, c'est beau. Seul problème, c'est qu'il faut tout le temps que tu reviennes au hub pour choisir ta mission. Puis il n'y a pas de map que tu peux voir sur le fly. Fait qu'il faut que tu te souviennes par cœur, quand tu regardes le hub, où est-ce qu'il faut que tu ailles. Fait que s'il avait juste réglé ça, le jeu aurait été comme vraiment, vraiment hot. Mais c'est pas pire pantoute pour un jeu que vous pensez de merde. Vraiment, c'est surprenant. Super Double Dragon, qui est smooth, qui est slow. Et puis, excellente musique, pas compliqué, facile à finir, bien correct en co-op. Définitivement pas un jeu parfait, mais moi, ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Puis je trouve que il est comme pas fini, tu sais, on dirait. Mais ça convient très bien, et puis c'est un bon moment à passer. Batman Returns, comme excellent beat'em up de Konami. Je comprends pas que ce jeu-là vaille rien encore, c'est super bon. Je trouve qu'il y a trop de modes de difficultés différentes, tu sais, je suis comme, donne-moi-en 3, là, donne-moi-en pas 8, là, je sais plus où je me situe, moi, là, si je suis un faible ou quoi, fait que, tu sais, aide-moi, là, mais, comme, très beau, très bon, très satisfaisant, Batman, il est rapide, puis il punch le monde, là, beaucoup de satisfaction là-dedans. Un jeu que j'ai pas joué, mais que je me promets d'essayer cette année, Bonkers, qui est un personnage de TV que j'ai jamais écouté, une espèce de chat, je sais pas quoi. C'est du platforming, ça a l'air très sympathique, on m'a dit que c'était bon, je connaissais pas ça, fait que je vais essayer ça, ça a l'air pas pire pantoute. Magical Quest starring Mickey Mouse, le classique Mickey Mouse de la Super NES, platformer, Early Release, c'est sorti tôt ça de la console, je pense. Il y a la suite aussi, Great Circus Mystery. Puis il y a un troisième aussi au Super Famicom, il me semble qu'on n'a pas eu ici. Et ces jeux-là sont également disponibles au Game Boy Advance. Je ne sais pas s'ils sont exactement pareils, mais je vais les essayer. C'est du très sympathique platforming. Hook, donc Captain Crochat. Bon platformer, vraiment. J'ai découvert juste à la fin qu'on pouvait comme dasher dans les airs, voler vite. J'avais pas le choix, sinon je mourrais d'un pic. Donc, ça a l'air de la merde, mais non, c'est très beau, c'est très bien. Puis c'est fait par la même gang qui ont fait Sky Blazer, que j'adore, mais il est au-dessus de 50$. Fait que j'en parle pas, mais Sky Blazer aussi. Donc, Hook, pas pire pantoute. Les Turtles Tournament Fighters, comme si vous voulez pas jouer à Street Fighter, ça c'est un excellent Street Fighter-like. Moi j'adore ce jeu-là, les personnages sont différents, c'est toutes les mêmes mécaniques que Street Fighter. Il y a ça au Genesis, il y a ça au NES. Je pense que définitivement la version Super NES est la meilleure, c'est très beau. Tiny Toons Adventures Buster Busts Loose, donc classique Tiny Toons platformer, vraiment pas cher. Du fun à avoir. J'aime beaucoup les trois Top Gear au Super NES, donc des jeux de course. Le troisième est à 70$ à peu près, donc il ferait pas ma liste techniquement, mais je veux juste dire que les trois Top Gear sont très bons. Puis je pense que finalement, c'est trois jeux que j'aimerais complet en boîte. Les boîtes, je croise ça à un moment donné. C'est très beau, puis la musique est excellente. Ça fait un bon travail. Super Smash TV, et je vais aussi nommer Total Carnage, qui sont des classiques d'arcade, top-down, twin-stick shooter, qui sont bien réalisés au Super NES, parce que la Super NES a 4 boutons à droite, ce qui permet de tirer dans toutes les directions. Donc, t'as pas un deuxième stick et, ou un deuxième D-pad, mais ça fonctionne très bien. True Lies, le film d'Arnold Schwarzenegger, qui est un top-down jeu de gun, de tir. C'est vraiment, vraiment très bien, pour vrai. Essayez ça, c'est surprenant. J'ai pas réussi à le finir. En terminant, UN Squadron, qui est un des premiers jeux à sortir de la Super NES à l'époque, et puis qui est un shmup avec des éléments RPG-esque, si je peux dire, où est-ce que tu achètes des affaires et puis tu gères tes trucs. Donc, voilà. Je me dépêche, là, Caroline, ça fait déjà une heure, puis il faut que j'aille travailler. Sébastien Macamo, est-ce que les sorties de mini-consoles ont une influence sur les prix des jeux plus rares qu'elles contiennent? J'ai pas vu aucune différence à cause de ça. Et je me rappelle dans le temps, genre Earthbound sort sur le digital, le magasin digital. Non, non, les Earthbound ne vaudront plus rien, tu sais, mais non, ça change absolument rien. Moi, j'ai rien vu de ça. Fait que sortez-en des petites consoles, ça sert juste à populariser les jeux qui sont peut-être des fois moins connus, dont sur justement la Genesis 2 qui fait un excellent job à ce niveau-là. Puis ça fait juste faire que les gens, oh, c'est vraiment un bon ce jeu-là, je veux la vraie copie dans ma collection, tu sais. Fait qu'il n'y a aucune influence là-dedans tant qu'à moi. Charles-Étienne Rioux, un petit top de tes jeux que tu attends le plus en 2023, c'est fait. Marc-André Chabot, est-ce possible de nous donner un top 10 de Hidden Gems sur Super NES et NES? Tu vois, ça c'est une petite question de rien, une ligne, une phrase qui peut faire un épisode complet. Fait que là, j'ai fait Super NES, tout ce que je viens de dire au Super NES, je le compte dans ta question. Ben, j'aurais pu faire aussi les jeux chers, mais là je vais perdre la voix et je vais manquer de temps. Fait que Super NES c'est fait. Des gems au NES. Je vais nommer des jeux moins connus. Mais vous savez, il n'y a plus de gems, il n'y a plus de hidden gems. Il n'y a plus rien de caché sur ces consoles-là. Ça fait longtemps qu'ils existent. Fait que il y a peut-être des affaires que vous connaissez moins, mais somme toute, c'est quand même connu, tu sais, comme dans. C'est connu du public là, au NES, les gems de NES. Tout le monde va dire les mêmes affaires tout le temps. Power Blade, Shatterhand, whatever. Fait que j'essaie de pas aller là-dedans parce que c'est quand même connu, tu sais. Mais je vais encore une fois essayer de nommer des jeux pas chers. Il y en a une couple de chers au travers, mais pas trop. Que j'aime. Qui sont peut-être moins connus à mon avis. Fait que j'en ai une bonne liste, fait que je te drop ça. Womp M de Jaleco. Donc, qui est un Amérindien, Première Nation, je ne sais pas comment dire sans blesser personne, très inspiré de Megaman, où est-ce que tu choisis ton niveau au début, et puis tu fais le niveau, tu tues le boss, tu acquiers son arme, et puis ton arme peut aider, l'arme acquise peut aider à tuer un autre personnage, donc il suffit de les faire dans le bon ordre. Comme Megaman, bonne musique, beau graphisme, on a en magasin ce de jeu-là, puis on vient d'en avoir un complet en boîte. Je comprends pas que les gens achètent pas ça immédiatement. Pour vrai, excellent jeu. Xexiz, c'est un jeu fucké, action, run and gun, avec du schmop dedans, puis de l'exploration. C'est un jeu plein de bébites weird, fucké, mais en même temps très bon, très bien fait. Et puis la musique est excellente. Il y a des bonhommes bizarres, des boss bizarres, et du shmup. Il y a tellement d'affaires. Même à la fin, il y a un niveau shmup tubulaire, tu sais, comme Gyrus, je sais pas comment le dire. Donc, voilà. Et puis, c'est un jeu qui t'en donne. Puis, ce jeu-là, comme. Ça coûte rien. Achetez ça. MechKids, un de mes grands classiques platformer de la console. Moi, je suis un grand défendeur de MechKids. J'étais très triste de voir que l'Angry Video Game Nerd bâchait MechKids. Je trouve que c'est un jeu très bon. Contrôle un peu glissant, faut s'y habituer. Mais super complet, bonne musique, plein d'affaires à trouver, simple. Il manque juste un système de sauvegarde là-dedans, puis le jeu est parfait, là, tu sais. Street Fighter 2010 de Final Fight. Tu penses que c'est weird ce jeu-là? Puis c'est weird. La musique est weird, mais bonne. Les contrôles sont étranges. C'est futuriste, extraterrestre. Les niveaux, des fois, c'est comme une arène. Faut que tu tues tout le monde. Faut que tu te dépêches. Sinon, t'as des vrais niveaux avec des boss. C'est fucké. Mais je l'ai fait l'année passée. Chris, c'est bon. C'est bien correct. Fait que, essayez ça. Mendel Palace, qui sont faits par les gens qui ont fait ensuite Pokémon, hein, le premier jeu au NES. C'est un dur à expliquer. C'est c'est un écran dans lequel tu glisses le tapis sous les pieds des ennemis, si je peux dire. Ça joue en co-op. Et puis ça joue même en co-op, pas en même temps. Les deux peuvent faire des niveaux différents. Je trouve ça cool. Pour vrai, c'est très beau, c'est très bon. C'est excellent, ce jeu-là. Excellent. Un autre bon jeu de Hudson. Xexiz, puis Mendel Palace sont faits par Hudson. C'est très bon. Abadox, un shmup fait par Natsume, mais publié par Milton Bradley. Difficile, mais excellent. Dragon Fighter, de Natsume aussi, un jeu. Ça, c'en est un qui vaut cher. Platformer, où est-ce que tu peux te transformer en une espèce de dragon, là, justement. On n'en parle pas beaucoup de jeux-là, mais... Excellent. Cowboy Kid, un autre jeu dont la valeur a explosé dernièrement. Vu de dessus, jeu de cowboy avec des upgrades, l'exploration, c'est bon. Arkista's Ring, top-down, une petite elfe qui tire des flèches et puis qui casse des arbres et puis comme faut que tu détruis les ennemis puis la faune, la flore dans le niveau pour ramasser des affaires et quitter et passer au prochain niveau. Un jeu étrange, mais quand même pas pire, pas en tout. Allez voir du gameplay. Darkwing Duck, classique, Capcom, Disney, jeu, très très bon. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Fire and Ice, un jeu qui vaut cher, très cher. Et puis c'est la suite-ish de Solomon's Key. Donc un jeu de puzzle, très bon. Frankenstein. C'est un platformer dont la valeur a augmenté beaucoup et puis les gens ils jouent pas à ça, on dirait. Moi, c'est un upgrade, j'ai besoin de ma collection d'ailleurs. Un des seuls jeux qui me reste qui est pas en super état. C'est pas fou, là, tu sais. Mais c'est bon, ça joue très bien. Et puis, c'est fucké. C'est assez fucké. Publié par Bandai, d'ailleurs, il me semble, sur la pochette. Donc, surveillez ça. C'est un jeu qui peut valoir la peine. Galaxy 5000, RC Pro-Am avec des guns dans l'espace, un jeu que j'adore. Heavy Barrel, comme Commando à deux, mais je pense avec tout le temps des continues, fait que tu sais, t'es sûr de faire le jeu, ça se fait bien, un bon port de l'arcade. Image Fight, un bon shmup sur la console, il y en a si peu. Kabuki Quantum Fighter, ça ressemble un peu à Batman de Video Game. Bien sûr, différent, pas aussi bon, mais c'est le même style de gameplay, ça vaut la peine. Kickle Cubicle. C'est un jeu de puzzle, action puzzle, vu de dessus, que tu pousses des cubes de glace sur les ennemis, puis tu fais les niveaux les uns après les autres. Vraiment bon. Little Mermaid, un autre jeu que j'arrête pas de promouvoir, qui est, je sais pas comment le dire, un platformer souterrain, mais tu plateformes pas parce que tu nages. Trop facile, trop court, mais que du plaisir. Monster Party, un autre jeu publié par Bandai, et puis action platformer, très étrange, très visuellement, comme c'est horreur, gore, comic, weird. C'est un jeu fucké, mais très intéressant et faisable pour vrai. Ça, c'est un vrai petit hidden gem qui se vend toujours bien. Monster in My Pocket, très cool. Jeu qui peut jouer en co-op, platformer encore une fois de Konami, late release qui est sorti tard. Moi, la musique est excellente et tout. Je trouve un peu vide quand même les visuels, mais super bon. Rainbow Island, qui est une suite de Bubble Bubble, mais que tu fais le niveau en hauteur en faisant des arcs-en-ciel pour tuer le monde. C'est un jeu d'arcade aussi, très bon. Roller Games de Ultra Games, donc Konami, platformer d'action. De 2D ou des fois comme en vue de dessus, de patin, hein? Tu fais du patin à roulette et puis tu bâches le monde. Pour vrai, c'est super bon ce jeu-là, ça vaut rien, tu sais, je suis surpris. Rygar, jeu d'aventure que j'adore, je le vends beaucoup aussi. Super Spy Hunter, donc c'est Spy Hunter, mais avec beaucoup d'action, de la bonne musique, de Sunsoft. Difficile, j'arrive pas à le finir parce qu'il y a un boss rush à la fin, mais très bon, il vaut peut-être plus lui aussi. Là. Thunder and Lightning, un bon Brick Breaker qui joue à deux, je l'aime parce qu'il joue à deux, donc c'est cool. Toki, donc le port de l'arcade sur NES est vraiment bien, beaucoup plus facile et faisable, donc ça vaut la peine. Et Totally Rad pour finir. Qui est un platformer qui utilise de la magie. Donc, tu as des magies différentes pour que tu acquiers aussi pour tuer les méchants, hein, et puis les boss, et puis faire ton chemin. Donc, très, très intéressant. Alors voilà, c'est tout pour ça. Il en reste-tu pas mal parce qu'il va vraiment falloir que je finisse là. Je vais finir très vite, les amis. Ça fait déjà 1h06 et puis je vois les messages s'accumuler. Kevin Boily, j'ai répondu. François Dicantine, est-ce que tu regrettes d'avoir laissé aller des 3 screws qui valaient plus cher que des 5 screws? Et puis, as-tu trouvé une solution pour ta gaming room? Bon, j'ai fait une publication comique hier sur certains 3 screws qui valent plus que des 5 screws. Donc, ça, c'est le nombre de vis en arrière des cassettes NES. Les 5 screws sont les plus anciens et des 3 screws sont les plus récents. Or, les vieux jeux sont tous 5 screws, bien sûr, mais il y a des vieux jeux qui ont continué de faire pendant des années et qu'il y a des versions plus récentes 3 screws qui sont finalement plus rares que les anciens qui ont déjà fait plusieurs prints. Je pense que Duck Hunt en serait un. Et puis, bien sûr, il y a l'inverse. Il y a des vieux jeux qui ont fait tard, comme une dernière batch de 5 screws, puis après ça, on a juste fait des 3 screws. Donc, je pense que Alpha Mission en est un. Et puis, j'ai pas de liste précise. T'sais, j'ai pitché ça hier. J'ai pas de temps fait de recherche. Mais parce que c'est juste dernièrement que j'ai commencé à me sensibiliser au sujet. Mais je sais, mettons, que Zelda, le premier Zelda, 5 screws, comme je vois jamais ça. Mega Man 1, 5 screws, comme faut trouver ça absolument. Mike Tyson Punch-Out, c'est des jeux ça, puis il y en a qui rigolent avec ça, les 5 screws, là, mais il y a des 5 screws qui valent extrêmement cher, dont les deux, les jeux que je viens de vous nommer, et qui sont pratiquement introuvables. Mais là, je veux vraiment vérifier aussi, en effet, lesquels 3 screws sont plus rares que les 5 screws. Je pense que, genre, Donkey Kong Jr. Matt en est un, tu vois. Ça, c'est le genre de jeu qui a que 5 screws, fait que quand t'as un 3 screws, il vaut cher. Donc, à surveiller. Je vais faire mes recherches là-dessus. Je vais rester dans les jeux US quand même. Et puis, je vais continuer de m'amuser avec ça. Moi, c'est comme je dis, c'est du peaufinement, ça. Et puis, je vais probablement garder les deux versions. Je vais pas garder les deux versions de tous les jeux qui ont les deux variants de screws, on s'entend. Juste celle qui a vraiment une différence de valeur. Je pense que je vais faire ça. Patrick Saint-Louis. À regarder la photo, un petit reportage sur ChatGPT. Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est quoi ça, ChatGPT? Des affaires, ça, là, de... chatbot, open... Je sais pas ce que c'est. Désolé. Éric Hébert, quelle question poser est le plus tough à répondre? Bien sûr, les tops. Marc-Antoine, je pense que tu n'as plus le choix de t'acheter une X-Boîte maintenant. Je sais pas pourquoi tu dis ça. J'ai pas besoin de ça. Là, je suis heureux. Jean-Michel Racine, suite à ton futur accomplissement d'avoir un full set Super NES, est-ce que la suite logique serait d'avoir un full set Nintendo 64? Et pourquoi ta réponse est non? C'est drôle que tu en parles, hein, parce que moi, je voulais faire le Gris Force, donc tous les jeux de cassette grise, de l'or gris, NES, Super NES, Game Boy. Puis après, je me suis dit, hey, les jeux de 64 et les jeux de Virtual Boy sont également des cassettes grises. Faudrait que je fasse ça pour avoir tout l'or gris, tous les sets d'or gris. Tout ce qui est gris. T'sais. Mais en même temps, bon, j'aime pas la 64, ça m'intéresse pas, fait que ça serait vraiment. Mais il y en a pas beaucoup! Il y a pas beaucoup de jeux tant que ça. Puis les plus chers, tu sais, sont pas fucking 10 000$, là. T'sais. Fait que c'est encore accessible. Mais ça serait complètement con. Déjà que c'est con que je fasse, que je me sois convaincu de faire le set Super NES pour finir, je vais pas me rajouter un set en plus d'affaires que j'aime pas. Fait que je ferais pas ça. Mais. Avoir du cash à flouber puis m'en foutre, je le ferais, pour vrai. Je le ferais rien que pour avoir toutes les cassettes grises qui existent. Mais je suis pas assez riche pour faire ça, fait que je ferais pas ça. Daniel Vaillancourt, qu'est-ce que tu penses de DK Oldies? Leurs prix sont chers. J'imagine que leurs prix sont chers parce que c'est... Mais c'est dur à dire. Ils ont pas de plancher de vente, ils n'ont pas de boutique, ils font que de la vente à partir d'un entrepôt dans lequel il y a énormément de stock, énormément de monde, donc ils ont un énorme roulement. Ils font beaucoup de rachats à distance, ça c'est une chose que je veux qu'on fasse. On va trouver une façon. On le fait déjà un peu, il faut trouver une façon de le faire au même level que des KODs. Par contre, c'est ça, leurs prix sont exorbitants, tu sais, je suis vraiment surpris de voir qu'ils continuent de rouler avec des prix aussi élevés que ça. Tu sais, on a vraiment le même fonctionnement qu'eux autres, le rachat, le monde qui nettoie, la mise en ligne et puis le shipping. Nous, on est comme des KODs, plus petits, mais avec un comptoir magasin, tu sais. Je sais que tu peux faire du pick-up là-bas aussi, mais eux autres, c'est vraiment comme, il n'y a pas de d'atite, là, il n'y a pas de magasin. Puis moi, je me suis questionné aussi si l'avenir est d'avoir un magasin, tu sais, parce qu'on fait plus de ventes en ligne qu'on en fait en magasin. Puis là, nous autres, on devrait-tu ouvrir un plus grand magasin ou fermer le magasin puis se concentrer sur le en ligne? Parce que on va pas se le cacher, gérer un magasin avec les employés aussi qui changent souvent, puis tout le temps les former. Et puis, tu sais, le magasin, maintenir un magasin quand tu travailles pas là, à temps plein, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Là, je suis pas en train de bâcher mes employés, c'est la normalité des choses. C'est le même que ça marche, tu sais. T'as pas le choix, il y a du nouveau monde, t'es fond. Hein? C'est vraiment pas évident de faire ça, mais c'est le gamble qu'on prend, et puis on va continuer de pousser ça. Mais je trouve que DKODs est un modèle intéressant, et puis ils sont excellents, bien sûr, sur les médias sociaux, chose que j'aimerais qu'on fasse. Mais on a essayé un peu, on avait une employée qui était sur TikTok pas mal, qui était motivée à en faire, mais elle nous a quittés malheureusement. Mais moi j'ai pas le temps de faire des vidéos TikTok, du moins pour l'instant. Peut-être quand tout roulera, ce sera moi qui pourra m'occuper de tout ça. On a essayé, on en a fait, mais là c'est comme on n'a pas assez de temps ou de gens, de ressources pour faire cela. Donc, parce qu'il faut que tu en fasses tout le temps pour être ça à map. Mais voilà. Donc, je regarde des KODs comme tout le monde. Je trouve qu'ils font bien ça. Et puis, juste les prix, je trouve ça fou raide. Là. Excusez, je regardais les affaires. Il va vraiment falloir que je vous laisse. Donc, voilà un peu ce que j'en pense. Dominique Ostigui, as-tu déjà eu la chance de jouer à Holy Diver sur Famicom? Oui, absolument. Et puis, j'ai joué, et puis je pense que j'ai encore une save game qui est rendue à la moitié du jeu. C'est vraiment difficile. C'est nice, mais fuck, c'est tough, tu sais. Puis, c'est pas fair, là. Oui, c'est du par cœur, tu sais. C'est où est-ce que tu te mets par rapport à la merde que tu reçois. Dans... C'est vraiment pas évident. Voilà, j'aime ça. Je me suis découragé à rusher. Peut-être que je vais y revenir à un moment donné. Larry, quel jeu de la série Gradius as-tu terminé 100% legit? Gradius 1, Gradius Galaxy sur Game Boy Advance, Gradius Gaiden en importation sur PS1. J'ai fini les Gradius là-dedans. Je pourrais plus te dire lesquels. C'est tout. c'est tout. Gradius The Interstellar Assault au Game Boy aussi. Nemesis au Game Boy qui est comme Gradius 1. Gradius 2 au Famicom, trop dur. Gradius 3 au Super NES, je veux m'y remettre, je me rendais pas mal loin, mais à la fin. Gradius 5, j'ai jamais réussi à le finir encore, mais je me rends très loin, puis j'adore ce jeu-là. Gradius 4, il y a une compile au PS2, Gradius 3 et 4. Je trouve pas ça bien bon, pour être franc, fait que non. Fait que c'est un peu là que j'en suis dans mes Gradius. Aurais-tu des suggestions Game Boy, OG un peu champ gauche qui sort des listes habituelles? Désolé Larry, j'avais pas vu cette deuxième question-là qui requiert quand même de la recherche. Ça sera pour une prochaine fois. Kevin Boilu qui lui répond, tu joues à James Bond 007. Larry a pas joué à James Bond 007 et ça vaut la peine. Effectivement, Kevin Boilu m'a fait découvrir ça. Steph Coot. Vous pouvez parler des Five Screws, la valeur qui varie comme Punch-Out, mais un commando Five Screws, pas de différence. C'est un peu ça que je disais tantôt. Je suis vraiment pas spécialiste en la matière. Je vais me renseigner plus. Et puis, je vais jaser de ça avec vous. Dernière question pour aujourd'hui. Benoît Landry. Côté jeu physique rétro, mettons Super NES ou Game Boy, préfères-tu, mettons, avoir la cassette loose excellente condition 9.5 sur 10 ou bien le jeu CIB en condition correcte mais pas parfaite, mettons 7 sur 10? C'est une question intéressante. En fait, pour les cartouches, comme en bas de 9, je veux pas. Il y en a plein de jeux de Super NES que j'ai vu passer que j'ai pas dans mon set, mais qu'il n'était pas en état à mon goût, et que je skip, parce que ça ne me tente pas plus tard d'avoir trop d'upgrades à faire, parce que ça finit plus, puis je sais que ça finira jamais anyway, mais au NES, pour vrai, j'ai fait pas mal d'upgrades avec les années. Au Game Boy, j'ai upgradé en achetant la collection de quelqu'un, fait que tu sais, il y a comme juste 5-6 jeux là, qui sont, puis ils sont très beaux, mais ils sont pas parfaits, mais c'est des 8 là, faciles, fait que je garde ça de côté, mais tout ça, ça me prend de la place dans la tête, puis je veux pas que ça me stresse. Fait que si je sais que dans mes 3 sets, j'ai plein d'upgrades à faire, ça va me gosser. Fait que pour Super NES, j'essaye de pas compléter le set avec trop d'upgrades à faire. Donc pour les cartouches, là, moi c'est ça. Ça a besoin d'être très très très propre. Puis si j'achète un CIB, puis la cartouche est pas belle dedans, mais que le CIB est un 7 sur 10, je te dirais que ça serait pas mal la limite en ce qui me concerne, tu sais. Mettons justement Agané, il est un 7 sur 10 à mon avis, 6.5-7. Je le tolère parce qu'il est rare, mais de toute façon, on peut toujours upgrader la cartouche dedans une boîte 7 sur 10. Fait que tu sais, c'est ça. Donc je suis prêt à tolérer des boîtes 7 sur 10, ça serait pas mal mon plus bas. Je peux pas te dire qu'est-ce que je pourrais faire entre un ou l'autre, tu sais, parce que les cartouches, c'est trop facile à upgrader. Fait que je peux te répondre par contre que c'est ça. Mon plus bas ratio de boîte, ça serait un 7 sur 10. Là. Puis ça va me gosser, tu sais. Je vais m'en souvenir, mais je vais pas nécessairement chasser un upgrade. Peut-être si j'en vois passer, ça sera ça. Mais je vais pas virer fou avec ça non plus. Mais je suis prêt à accepter un 7 sur 10 d'un gros jeu que je veux, tu sais. Alors voilà les amis, 1h20, puis j'aurais bien continué pour vrai, puis je suis sûr qu'il y a d'autres questions qui sont rentrées ou qu'il y en a que j'ai pas vu, mais faudra que ça soit tout pour maintenant parce qu'il est 11h15 et le devoir m'appelle. Donc voilà, ça a été un épisode où est-ce que je vous ai garoché plein d'affaires, plein d'informations, fait que, que jeux vidéo, donc souvent je parle aussi de mes business et tout, mais là, tu sais, comme je peux pas parler, éventuellement j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. On travaille, mais je peux pas en parler maintenant. Là. Alors, parlons jeux vidéo. Puis, même si j'ai eu besoin de travailler un peu, j'aime bien ça, dresser des listes de même pour vous. Je pense que vous appréciez aussi. Puis moi aussi, ça me fait repasser mes classiques, des jeux que je devrais faire. Donc, c'est très apprécié. Merci pour votre patience. Je sais qu'avant, je faisais quasiment un épisode par semaine, puis à cette heure, c'est rendu un épisode par mois. Mais pour vrai, c'est pas que je veux pas, là, c'est que ça me stresse le matin, je manque de temps, Et puis, on est moins de staff en magasin, puis il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'essaie de prendre le temps. Mais je veux pas me causer du stress avec ça non plus. Je veux que ça me fasse plaisir, tu sais, de faire des épisodes. Puis, même pour l'arcade, on pense à du développement, puis tout. Fait que si jamais on va de l'avant, j'ose même pas imaginer, tu sais. Mais ça sera pour plus tard. Donc, je voulais juste mentionner ça. Mais vous êtes tous bien gentils de continuer à me suivre. Vraiment, c'est apprécié. Puis, suivez ma page Facebook aussi. Je sais que je suis un grand-père d'être juste sur Facebook. Puis, j'auto-publie sur Instagram en même temps. Mais c'est ça. Je suis vieux, puis j'ai vu Facebook apparaître. Puis, moi, j'aime ça. Je peux parler, tu sais, là-dessus. Fait que je continue là. Qui m'aime me suivent et qui m'aime pas, s'il vous plaît, arrêtez de me suivre puis laissez-moi tranquille s'il y en a là-dedans. Alors voilà. Donc, merci beaucoup et puis je vais essayer de vous revenir très bientôt. Prenez soin de vous.